Pues carnal. J'enchaîne les classiques comme Stone Oliver. Dans nos cœurs écailles comme un Fulhiver. Ça tourne en rond comme un Joliver. Va monde en petit comme Miss Univers. Comme l'État, j'suis venu tout piller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et suis sans ennemi, sors le bouclier. Pour m'endormir, j'compte les fils de pute. Et frère, on s'en fout de ta vie. J'te prends pour un con comme la démocratie. Tu peux garder ta grosse pute de voyante. Car j'ai vu mon futur grâce à l'échographie. Quelle vie de chat, mais j'n'ai pas de rote. J'vous ai l'air d'esprit, j'n'ai pas de notes. T'as des abonnés, mais n'a pas de potes. J'me fous de ta gueule comme le droit de vote. Sur le futur, on a trop misé. La grand-mère, les putes, les alcoolisées. La paire de Jordan est synchronisée. J'surveille la ville depuis Colisée. J'arrive au poste, j'ai sa vie, je sais plus. Toi, tu casses les couilles comme agent de sécu. Et plutôt te like parce que t'as un gros cul. Mais sans ton filtre snap, on t'en reconnaît plus. J'ai fait le mec bien, mais on m'a déféré. On va se tirer dessus, j'n'ai que faire de la batte. J'ai écouté vos rappeurs préférés. Ils sont dépressifs comme agent de la batte. Ils sont poussés Denzel comme Training Day. J'veux baiser son boule every day. J'ai pas l'artillerie pour qu'elle dise ouais. Si j'dis adieu aux armes, j'suis Hemingway. Avance tes pour tu vas faire plier. Et dans la beuh, y'a du verpillé. La nuit ne rêve que des verbillés. Plus rien à prouver comme Aubervilliers. La nuit ne rêve que des verbillés. Plus rien à prouver comme Aubervilliers. La nuit ne rêve que des verbillés. Plus rien à prouver comme Aubervilliers. Avance tes plots, tu vas te faire piller. Avance tes plots, tu vas te faire piller. Avance tes plots, tu vas te faire piller. Plus rien à prouver comme Aubervilliers. Avance tes plots, tu vas te faire piller. Avance tes plots, tu vas te faire piller. Avance tes plots, tu vas te faire piller. Plus rien à prouver comme Aubervilliers. On va le boire, mais rien qu'on s'élance. On pue tous la mer, mais rien qu'on s'aimante. Et je te cache pas quand je m'attends autour de moi. Je me sens en retrait comme Nouvelle-Zélande. Ça veut gratter comme putain de bingo. Maman rêve de choses, mais ce n'est pas succès. Toi t'es juste comme un moteur de Twingo dans un Merco d'épaule, mais tu sais pas sucer. Qui dit 2 kilos, mais qui dit 3? Tu vis à sauce, moi j'y vis proie. Je m'en bats les reins de savoir qui dit quoi. Promesse n'engage que ceux qui y croient. Je veux casser porte, rentrer par la grande. 9 mm, rentrer par la tempe. Rêve 12 millions coffrés à la banque. Amour éternel comme Clara Gant. Je m'en bats les coups, tel ou tel remède. On partait nos couteaux comme tête remède. Ta bouche me parle, mais tes yeux ne mentent pas. Car j'ai cœur balafré comme enfant du Rwanda. Très très balancé, s'ils font la paire. Je suis pour un crap, t'es pour mal aussi. Riche sont la paix quand au fond la guerre. Sans de beaux caves sur la carrosserie. Je critique les gens, mais je suis pas mieux qu'eux. Et je crois que c'est ça qui fait que je suis si bon. Je crois encore en l'homme malgré toutes ses erreurs. Et je crois que c'est ça qui fait que je suis si con. Méfie-toi quand tes frères te regardent. Avance tout seul car à chaque te retarde. Est-ce que t'es quelqu'un de bien parce que t'es quelqu'un de bien? Ou est-ce que t'es quelqu'un de bien parce que Dieu te regarde? Avance tes plombs, tu vas te faire plier. Et dans la beuh, y'a du verpillé. La nuit ne rêve que des verbillés. Plus rien à prouver comme Aubervilliers. La nuit ne rêve que des verbillés. Plus rien à prouver comme Aubervilliers. La nuit ne rêve que des verbillés. Plus rien à prouver comme Aubervilliers. Avance tes plombs, tu vas te faire plier. Avance tes plombs.